Moi, je joue essentiellement qu'au doigt et pas du tout au médiator. Mais je pense, je sais pas, ça a dû se... Pourtant, j'ai pas le bout des doigts complètement endurci, mais... Non, c'est bien. Ah, c'est bien si tu ranges ma chambre. Ben non. Non, même pas. Je sais pas, moi, je suis vachement à l'aise dessus en fait. Putain, mais quel bordel dans cette rue, hein. D'ailleurs, je ne sais même plus où elle est passée. Tu dois aller où? Nulle part. Je me dis peut-être que mon disque dur, il est quelque part où tu aurais pu le poser. Ou alors, il est dans un Non, en tout carton cas, dans le c'est garage. pas dans une Et en fait, poche. j'ai trop envie de chercher parce que la Non. dernière fois que je l'ai vu, il était dans ta chambre. Parce que je t'avais prêté pour que tu regardes des films. Alors, soit il est avec la télé, parce qu'on branchait la télé.